T'abandonner, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus comprendre, je ne vais plus t'attendre. Je dois m'en aller, te quitter, t'abandonner.